moi. Puisqu'a fondu la neige, oublie-moi. Puisque le feu n'est plus, qu'on s'éloigne. Est-ce qu'au fond ça t'allège? Qu'on s'éloigne. Est-ce que c'était prévu? Jamais ne revient. Oublie-moi, puisque nos cœurs qui toussent. Puisque le feu n'est plus.